Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1 et on va ouvrir l'émission en plongeant dans le génie chimique. Et comme ce plongeon peut paraître périlleux, on va le faire en compagnie d'un spécialiste, Bruno Gaillet. Il est professeur adjoint au département de génie chimique à l'Université Laval. Alors Bruno Gaillet a déjà fait plusieurs passages à Futur Simple pour démystifier le génie chimique. Ce soir, il est au téléphone avec nous et il nous parle d'un mécanisme d'édition pour contrôler la modification des génomes. Bonjour, Monsieur Gaillet. Bonjour, Valérie. Alors, tout d'abord, pour vouloir contrôler la modification des génomes, pourquoi vouloir contrôler cette modification des génomes, en fait? Quel est le problème? En fait, c'est pour une application, je dirais, au départ de thérapie génique. Mm-hmm. C'est en fait, si on fait juste un petit rappel de thérapie génique, les premiers essais ont été faits, en fait, à la fin des années 90, début 2000, avec ce qui avait fait beaucoup de parler à l'époque, les fameux enfants bulles, ouais. Où en fait ces enfants étaient dépourvus en fait de système immunitaire en raison d'une mutation dans un gène. Donc vu qu'ils n'avaient pas de système immunitaire, ils étaient obligés de rester dans des bulles stériles. Donc ce qui a été fait à l'époque, c'était d'insérer le gène qui était déficient chez ces enfants dans des cellules souches et réinjecter ensuite ces cellules souches chez ces enfants. Mmh. À l'aide d'un vecteur, d'un virus qui contenait le gène d'intérêt. Mmh. Et à la base, ça a très bien marché, puisque sur le principe, je parle, puisque la plupart des enfants ont guéri, sauf qu'il y a eu des effets secondaires importants, très graves, puisqu'il y a sur les 9 enfants qui ont été traités, il y en a 4 qui ont développé des leucémies et il y en a un qui est décédé. Ouais, donc c'est quand même des effets secondaires non négligeables. C'est ça, donc, mais en tant que tel, le principe, la preuve de principe de la thérapie génique, comme quoi ça pouvait fonctionner, avait été fait. Sauf que ça a été fait à l'aide de technologies qui, on va dire maintenant, paraissent un peu désuètes. Mm-hmm. C'est-à-dire que le principe de base de la thérapie génique, et s'il y avait un problème dans un gène, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on insère un autre gène qui, lui, va être correct. Mm-hmm. Alors que maintenant, il existe des technologies, depuis à peu près, je vous dirais, peut-être 2-3 ans, qui permettent de modifier directement le génome des patients. Ah oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'insérer une copie d'un gène, ouais. Bah, on va aller dans le gène du patient, et puis on va faire de la chirurgie génique. C'est-à-dire qu'on va soit insérer un gène, insérer une paire de bases, soit déléter une paire de bases. En tout cas, on va faire la correction in situ. C'est ça. Ouais. Mm-hmm. Donc le principe de l'édition contrôlée, la modification contrôlée des génomes, c'est à l'aide d'outils de génie génétique de faire vraiment de la modification de la chirurgie au niveau des gènes. Donc c'est ça qu'on appelle l'édition. C'est ça. D'accord. Donc c'est comme pour reprendre un petit peu les termes du milieu du livre finalement. Oui, c'est ça. En anglais, ils appellent ça le genome editing. Donc, le terme est resté en français. Là. D'accord. Mais ça consiste principalement en ça. C'est vraiment faire la modification intrinsèque des gènes, ne pas rajouter des copies de gènes dans le patient. Mm-hmm. Mais alors, comment on fait ça? Parce que, bon, si on veut faire une opération chez quelqu'un, bon, sur le cœur ou sur le foie, on va ouvrir. Mais là, on ouvre quoi? On n'ouvre pas la cellule. On fait comment, là, pour aller jouer, corriger un gène défectueux chez le patient? On fait comment? Ben, en fait, ça revient un peu à la même chose. C'est qu'au lieu d'utiliser des ciseaux pour ouvrir, là, on va utiliser des ciseaux moléculaires mm-hmm. pour ouvrir l'ADN. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on va utiliser, il y a plusieurs technologies sont basés en fait sur l'utilisation d'enzymes, donc des protéines qui ont une activité qui peuvent couper par exemple de l'ADN, ce qu'on appelle des nucléases. Mm-hmm. Bah, ces enzymes-là sont capables de cibler spécifiquement des régions de l'ADN, donc on peut construire ces enzymes de telle façon à cibler une région précise, comme mm-hmm. par exemple un gène qui nous intéresse. Et ensuite, cette enzyme au niveau du gène est capable de couper ce gène. Et selon différentes conditions, on peut soit enlever des nucléotides, on peut soit en rajouter, ou alors on peut carrément changer la séquence à ce niveau-là. Mm-hmm. Mm. Mais comment on fait pour envoyer ces enzymes, ces ciseaux moléculaires, pour les envoyer dans la cellule, dans le génome du patient? Ben, c'est ça les gros défis en ce moment, c'est la livraison de ces outils-là. Mm-hmm. Donc il existe plusieurs approches. La première qui est la plus efficace en ce moment, c'est d'y aller avec des vecteurs viraux, où là on ne va pas injecter directement la protéine enzyme, on va injecter chez le patient le gène qui va être responsable de la synthèse de cette enzyme là. D'accord. Donc ça c'est une première approche, mais qui marche relativement bien, mais le problème c'est qu'on utilise encore un vecteur viral. Ben ouais. Et on peut avoir des problèmes d'intégration, des effets secondaires importants en fait. Donc il y a d'autres approches qui sont développées en ce moment. C'est plus injecter directement la protéine chez le patient, en modifiant la structure de cette protéine de façon à ce qu'elle puisse insérer toutes seules les cellules du patient. Mmh. Au lieu de passer par un virus, dont on sait qu'ils infectent très bien les cellules, mmh. on va directement injecter la protéine, et en modifiant cette protéine, en lui ajoutant par exemple certains domaines bien bien spécifiques, eh ben, on peut arriver à faire rentrer ces protéines directement dans les cellules, et dans ce cas-là, on n'a plus de problème dû au virus, mmh. puisque là, on fait juste injecter une protéine. Ça reviendrait en fait comme si on injectait de l'insuline chez un patient qui avait le diabète. Mmh. Sauf qu'il faut que ces protéines reconnaissent des cellules spécifiques dans le corps ou est-ce que ça peut se faire, est-ce que cette correction peut se faire dans n'importe quelle cellule du corps? Bah, en fait, le tout, c'est d'avoir la bonne enzyme. L'enzyme, en fait, elle va cibler des régions bien bien spécifiques dans le génome. Ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte ça chez le patient. C'est sûr qu'il peut y avoir une pénétration dans des organes différents, mm-hmm. mais au niveau de la séquence ciblée, ça sera toujours la même. Mm-hmm. Donc, l'effet, en fait, par exemple, si on prend quelqu'un qui est atteint de, je sais pas moi, d'hémophilie, bon, c'est un gène qui est responsable de cette maladie-là. Bon, bah, ça sera uniquement, les cellules seront touchées, mais elles ne toucheront que le gène de l'hémophilie, en fait. Mm-hmm. Oui, d'accord. Mais ça ne va pas toucher toutes les cellules dans le corps humain, donc même s'il y en a quelques-unes qui sont touchées, ça va suffire pour soigner la personne? Oui, bah, en fait, quand je parle de faire des injections, en général, c'est des injections quand même ciblées, mm-hmm. dans des organes précis. D'accord. C'est rare qu'on fait de l'injection systémique, on y va quand même de l'injection ciblée. Mm-hmm. Est-ce qu'on a des exemples d'essais ou de réussite de ces techniques-là? Il y en a une multitude. Ah oui? Je dirais, on va dire au Canada, on n'en parle pas beaucoup encore de ces technologies-là, mais aux États-Unis, il y en a énormément. Mm-hmm. Pourtant, c'est dommage, puisque une de ces technologies-là a été développée par un chercheur à l'Université Laval. Ah! Donc le professeur Sylvain Moineau. Oui. Mais en tant que tel, des exemples, il y en a beaucoup pour faire, mm-hmm. par exemple, de la thérapie génique. Mm-hmm. Il y a des essais, par exemple, qui ont été faits chez la souris récemment, où ils ont réussi à corriger une sorte d'anémie chez la souris. Mm-hmm. Ensuite, il y a des essais qui sont faits également avec le VIH. Mm-hmm. Le VIH, ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules, en fait, le VIH touche les lymphocytes, les lymphocytes T, et pour éviter que le VIH infecte ces cellules, donc ce qu'on fait, c'est qu'on modifie les lymphocytes T du patient de telle façon à ce qu'ils n'expriment plus à leur surface des récepteurs au VIH. Ah oui. Donc du coup, bah, le VIH n'est plus capable d'infecter ces cellules-là. Il ne sait plus où aller. C'est ça. Ouais. Donc il y a cette approche-là. Donc ça, c'est plus dans l'aspect, on va dire, thérapeutique chez l'humain. Mm-hmm. Mais si on y va un peu plus large, il y a beaucoup de choses qui sont faites, comme par exemple modification génétique des algues. Mm-hmm. Pour, par exemple, leur faire produire plus d'huile. Cette huile qu'on pourrait se servir ensuite pour faire du biodiesel, par exemple. Mm-hmm. On peut s'en servir pour créer des modèles animaux de maladies. Mm-hmm. On peut s'en servir pour modifier la structure génétique, par exemple, de levures qui nous serviraient à produire des molécules d'intérêt. Mm-hmm. Ou des bactéries, par exemple, qui serviraient à produire de l'insuline. On pourrait modifier leur métabolisme. On mm-hmm. peut faire plein de choses. Mais tout ça, c'est des choses qu'on pouvait faire par transformation génétique comme ça se faisait, comme ça se fait encore. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser cette technique d'édition. Bah, c'est qu'en fait, dans les bactéries, ça se faisait très bien. Ouais. Mais dans tout ce qui est organisme eucaryote, c'était beaucoup plus compliqué de faire de la modification. Ouais, donc eucaryote, là, on parle de levures, par exemple, de cellules animales. Ouais, d'organismes plus compliqués. C'est ça. Mmh. Donc là, on a vraiment maintenant des outils qui nous permettent directement de toucher les cellules du patient, là, par exemple. Mmh. Mmh. Par exemple, il y a un exemple qui est très, très intéressant. C'est une étude qui a été faite récemment par le professeur Jacques Tremblay, du CHUL, mmh. où lui, en fait, il utilise ce type d'enzyme, mais il modifie la structure de l'enzyme de façon à ce que l'enzyme, maintenant, ne coupe pas le gène, mm-hmm. mais active son expression. D'accord. Il y a certaines maladies, par exemple l'ataxie de Friedreich, où en fait il y a une mutation dans le gène qui fait en sorte que la protéine qui est produite, c'est pas qu'elle n'est pas fonctionnelle, c'est juste qu'il n'y en a pas assez. Mm-hmm. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ces fameuses enzymes-là, il modifie leur structure, et lorsqu'elles vont se fixer sur le gène de cette protéine-là, de la frataxine, elle va activer la production de frataxine. Mm-hmm. Donc du coup, les patients vont avoir un niveau de frataxine qui sera remis à la normale. Mm-hmm. Donc ça peut également servir à ça, ces technologies-là. Mm-hmm. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, j'ai cru lire aussi quelque chose à propos des thalènes, c'est quoi ça? Ben, en fait, c'est des protéines, on appelle ça des thaléfecteurs. D'accord. C'est ce type en fait de technologie-là qu'on peut utiliser pour faire du génome editing. Mm-hmm. Donc en général, il y a beaucoup de ces ces outils-là, qui proviennent en fait de la recherche fondamentale. On les a découverts grâce à la recherche fondamentale. Les TAL, par exemple, si je me souviens bien, proviennent des plantes. Mm-hmm. Le système CRISPR qu'on peut utiliser, qui a été justement découvert par le professeur Moineau, c'est quelque chose qui a été découvert dans la bactérie, mm-hmm. qui est en fait l'équivalent d'un système immunitaire chez la bactérie. Mm-hmm. Et ensuite, il y a tout un paquet d'autres technologies qu'on peut utiliser, mais les deux plus employés maintenant, c'est vraiment les TAL et le système qu'on appelle CRISPR, qui correspond en fait au système immunitaire de bactéries, comme je disais. Mm-hmm. Donc, avec ces nouvelles technologies, est-ce qu'on va faire un bond supplémentaire vers la thérapie génique? Personnellement, je pense que oui. Et il n'y a pas que moi qui le pense. Mais il y a plusieurs compagnies et maintenant des grosses compagnies, grosses entreprises qui investissent dans la thérapie génique. Mm-hmm. On va dire que ce n'est plus un rêve comme il y a à peu près 10 ou 15 ans. Là. Il y a déjà un produit commercialisé en Europe de thérapie génique. Et est-ce qu'il y a eu des essais chez l'humain avec l'édition d'ADN? Des essais cliniques, des essais cliniques de phase 1. Oui, oui. Ah, ok. Et pour l'instant, ça a l'air prometteur. Mm-hmm. Et est-ce que c'est toutes sortes de... Est-ce que les maladies qu'on ciblait donc auparavant avec l'ancienne technique de thérapie génique, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que l'édition d'ADN permet de cibler ces mêmes maladies ou d'aller plus large? C'est du cas par cas, je vous dirais. Okay. On peut cibler certaines maladies qu'on y allait avec une approche, on va dire, plus on insère directement le gène, mais pour d'autres, ça ne fonctionne pas parce que le gène est tellement, on va dire... Je dirais pas le terme, mais bon, je le dis quand même, tellement magané, là, qu'on peut pas vraiment toujours les corriger. Donc, dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux y aller avec une approche, on va dire, un peu plus classique. Ouais. Et d'injecter une copie du gène, on va dire, du gène sain. D'accord. Bah, en tout cas, c'est assez impressionnant ce que la recherche peut avancer dans le domaine du génie génétique ou du génie chimique. Et bien, merci de nous faire part de toutes ces recherches et notamment de ce qui a été découvert d'ailleurs par, vous m'avez dit, le docteur professeur Moineau. Professeur Moineau du département de microbiologie et puis il y a le professeur Jacques Tremblay aussi qui travaille là-dessus. Là. Bon, alors c'est des choses toujours bon à faire connaître de la recherche qui se fait ici même à Québec. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une chronique ultérieure. Oui, peut-être, oui. Oui. Alors, merci beaucoup, Bruno. Merci, Valérie. Alors, nous étions donc en conversation avec Bruno Gaillet, qui est professeur adjoint au département de génie chimique à l'Université Laval. On va se reposer les méninges avec un petit peu de musique sur CKRL au 89.1. Et au retour, on parle des techniques pour faire parler les vestiges archéologiques.